Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Il y a sans doute une fédée quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar, réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, vie et mort de Janis Joplin, première icône féminine du rock. C'est l'un des mythes les plus tenaces de la pop culture. Il existerait un club très fermé réunissant tous les musiciens décédés à l'âge fatidique de 27 ans. Un club dont personne ne connaît vraiment les origines. On sait seulement que la légende est née quand en l'espace de 2 ans, entre 1969 et 1971, 4 idoles sont tombées, coup sur coup. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison, morts de tout sauf de vieillesse. Ils avaient 27 ans, donc. Un choc assez grand pour croire à une malédiction qui sonnera le glas d'une génération et d'une certaine insouciance. La destinée flamboyante de Janis Joplin, morte d'une overdose en octobre 70, est emblématique des 60s et de la légende noire du rock et de la pop. Janis Joplin, c'est l'histoire d'une fille du Sud partie à la conquête de l'Ouest, happée par la révolution hippie, broyée par la gloire et les addictions. L'histoire aussi d'une femme complexe qui devient, en 4 ans de carrière, la plus grande chanteuse blanche de blues. Car Janis Joplin, c'est avant tout une voix. 3 octaves inoubliables qui disent tout des bleus à l'âme et des blessures intimes de la chanteuse. Notre invitée aujourd'hui, la journaliste et autrice Jeanne-Marie Vacher. En 98, elle publie « Sur la route de Janis Joplin », un livre d'enquête, d'analyse et d'entretien réalisé à l'occasion d'une série d'émissions diffusées sur France Culture. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Opinel, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Dimanche 4 octobre 1970, Hollywood, Los Angeles, il est 19h30. Au studio Sunset Sound, on commence à s'impatienter. La session d'enregistrement était prévue à 18h. 1h30 plus tard, Janis Joplin n'est toujours pas là. Son producteur, Paul Rothschild, est à la fois contrarié et inquiet. Cela fait maintenant 1 mois qu'il travaille avec elle sur son 4e album, intitulé Pearl, son propre surnom. Depuis le début, l'ambiance est studieuse, sereine même. Janis semble enfin avoir trouvé les musiciens qu'elle cherchait, avec le Faulty Boogie Band, sa toute nouvelle formation. Pas une seule fois elle n'est arrivée en retard en studio. Paul Rothschild a un mauvais pressentiment. Il appelle alors l'hôtel où elle séjourne, le Landmark Hotel, et tombe sur John Cook, son road manager. Ce dernier constate que la Porsche de Janis est toujours là, garée sur le parking. Les rideaux de la chambre sont tirés. Il frappe à la porte. Silence. John demande alors un double à la réception. Il remonte dans la chambre. Il ouvre. À l'intérieur, il découvre le corps sans vie de Janis Joplin, étendu sur le sol, le nez cassé, la lèvre en sang. Il s'en souvient. Dans le livre de la journaliste Jeanne-Marie Vacher, Sur la route de Janis Joplin, publié aux éditions JBZ et compagnie en 1998. Je l'ai trouvée habillée pour la nuit. Elle était tombée face contre le sol, entre le lit et la table de nuit. Elle avait encore dans la main la monnaie du paquet de cigarettes posée à côté. Voilà. J'ai prévenu le plus de gens possible. Je ne voulais pas qu'ils la prennent par la presse. Je savais que la machine ne tarderait pas à se mettre en branle. 1h30 plus tard, la police arrive à son tour au Landmark Hotel. Il est 21h10 quand le sergent Sanchez déclare la mort de Janis Joplin, 27 ans. À l'exception du nez fracturé, les enquêteurs ne relèvent aucune trace de violence. Mais ils découvrent dans la poubelle de la salle de bain un kit complet du toxico. Aiguilles, seringues, sangles, cuillères rouillées, pochons d'héroïne. Le lendemain, l'autopsie conclut officiellement à une overdose. L'analyse de la drogue révèle que l'héroïne injectée ce soir-là était exceptionnellement pure, promesse d'un trip sans retour. Ce même week-end, à Los Angeles, 8 clients de ces dealers ont trouvé la mort. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Comment expliquer, par exemple, les blessures sur le visage de Janice? Les policiers tentent alors de reconstituer la dernière nuit de la chanteuse. Samedi 3 octobre 1970. Il est près de minuit lorsque Janice Joplin quitte les studios de Sunset Sound, accompagnée de deux de ses musiciens. Ensemble, ils doivent un dernier verre au comptoir du Barney's Bannery, leur bar fétiche. Une demi-heure plus tard, Janice rentre seule au Landmark Hotel, remonte dans sa chambre, puis redescend dans le patio. George Sandoz, le gardien de nuit, est le dernier à lui avoir parlé aux premières heures de ce 4 octobre. La dernière fois que je l'ai vue, elle était venue me demander de la monnaie pour s'acheter un paquet de cigarettes. Et on a commencé à discuter au sujet de son disque. Elle ne m'est jamais apparue comme quelqu'un d'heureux, mais ce soir-là, elle était rayonnante à cause du disque. On a parlé à peu près 15 ou 20 minutes, puis elle est allée au distributeur, elle a pris ses cigarettes et elle est retournée dans sa chambre 150. Une polémique persiste quant au moment où Janice se shoot. Avant ou après être allée acheter son paquet de cigarettes? C'est en tout cas au moment où elle retourne dans sa chambre qu'elle s'effondre au pied du lit. Dans sa chute, son visage heurte violemment la table de nuit, d'où sa lèvre en sang. Il est 1h40 du matin. 17 heures plus tard, le producteur Paul Rothschild s'inquiète de ne pas la voir arriver en studio. Ce jour-là, Janice doit enregistrer la partie vocale d'un morceau signé Nick Grave Nights, intitulé Buried Alive in the Blues. Ensevelie vivante dans le blues. Triste ironie. Janis Joplin, the 27-year-old pop singer or rock singer who took little more than 3 years to get to the top, was found dead yesterday in her Hollywood apartment. Janis Joplin, one of the better-known singers in the world of rock music, was found dead in her Hollywood apartment last night. The cause of death was said to be an overdose of drugs. Il y a une triste nouvelle, encore une, cette semaine. Vous la connaissez déjà, c'est la mort de Janis Joplin qu'on a apprise lundi en Europe. Le 4 octobre 70, aux États-Unis, disparaît une grande figure de la rock pop music, Janis Joplin. Trois jours plus tard, Janis Joplin est incinérée au cimetière de Westwood Village dans la plus stricte intimité. Ses cendres sont ensuite dispersées dans l'océan Pacifique, ensevelies dans le bleu. Dans son testament, elle laisse un chèque de 2 500 $ pour organiser une fête en son souvenir dans un club de Los Angeles. Sur le carton d'invitation, on peut lire « Drinks are on Pearl ». Les boissons sont offertes par Pearl. Le lendemain, c'est la gueule de bois. Le blues a perdu sa reine blanche. Le rock'n'roll, sa première icône féminine. Partout, on la pleure, on la plaint. Symbole déjà des espoirs déçus de toute une génération. Janice a enduré les mêmes bouleversements que nous avons tous traversés, déclare Jerry Garcia, le leader de Grateful Dead. Elle a vécu les mêmes tripes, elle s'est retrouvée, comme nous tous, abîmée, en miettes. Oh oui, on la pleure, on l'écoute surtout. Le 11 janvier 71, 4 mois après sa mort, paraît l'album posthume Pearl, le 4e de sa courte carrière, son chant du cygne. Dans ce disque, encensé par la critique, elle y déploie comme jamais sa voix puissante, écorchée. Le blues est toujours dominant, bien sûr, mais avec de fortes influences rock, jazz, pop et même country, avec Me and Bobby McGee, un immense tube, qui deviendra l'une des chansons les plus reprises au monde. Piste 5, le producteur Paul Rothschild décide de faire figurer l'instrumental de Buried Alive in the Blues. L'absence de la voix de Janice, sa présence fantomatique, en font l'un des titres les plus émouvants de l'album. Enterrée vivante dans le blues, un titre sous forme de destin qui commence 27 ans plus tôt, loin de la cité des anges, dans la brume des raffineries. J'ai fait le tour du monde, mais Port Arthur est le pire endroit que j'ai jamais trouvé, chante Janis Joplin dans son titre Ego Rock. C'est ici qu'elle naît, le 19 janvier 1943. Port Arthur, une cité pétrolière au sud-est du Texas, au cœur de l'Amérique blanche et conservatrice. Son père est ingénieur pour la Texaco Company, sa mère est enseignante. L'un et l'autre sont plutôt éclairés pour leur milieu et leur époque, l'upper middle class des années 40. Ils ont 3 enfants auxquels ils transmettent le goût de la littérature et de la musique. Janice, l'aînée, est une charmante fillette aux boucles blondes, robe plissée, soquette blanche. Elle fréquente assidûment l'école, la bibliothèque et l'église, passage obligé dans cette ville du Sud qui compte presque autant de clochers que de cheminées de raffinerie. Une enfance idyllique, dira-t-elle, qui se brise à l'adolescence. D'une timidité extrême, passionnée de peinture, elle se sent différente déjà, harcelée bientôt. Les garçons du collège la poursuivent dans les couloirs, moquent son acné, ses rondeurs, son corps de petite fille sans poitrine. Ils la traitent de pig, cochon, et de negalova, fille allègre. Car elle est la seule à s'opposer ouvertement à la ségrégation raciale à l'école, officiellement interdite, depuis 48. Mais ici, plus qu'ailleurs, le racisme ne s'efface pas d'un trait de plume. Face aux attaques, Janice se forge une carapace d'acier, qu'elle chantera plus tard d'ailleurs dans Turtle Blues. Son caractère s'affirme donc, et son comportement se radicalise, comme en témoigne son frère, Michael Joplin, dans l'émission Invitation au voyage, diffusée sur Arte en 2022. Ça a été une période très difficile pour elle, et personne ne sort de ce type d'expérience sans cicatrices. Quand tu vis cela, soit tu courbes les chines, soit tu en sors grandi. Janice a été mise dans une position où elle devait se défendre, et il y avait différentes façons de le faire. Il y avait la méthode douce, la méthode conflictuelle et aussi la solution « allez tous vous faire foutre ». Et Janice a choisi toutes les méthodes à la fois. En 1958, Janice Joplin a 15 ans lorsqu'elle lit pour la première fois le livre « Sur la route » de Jack Kerouac, l'un des manifestes de la Beat Generation, mouvement artistique né avant celui des hippies. Elle dévore toute son œuvre. Et se rêve déjà à New York ou sur la baie de San Francisco, berceau des beatniks. En attendant de pouvoir tailler la route, elle s'évade de l'autre côté du bayou, en Louisiane voisine. Avec sa bande de potes rencontrés au groupe de théâtre, elle écluse les bars, découvre le bourbon, la marijuana et la musique noire, celle d'Odetta, de Lead Belly, de Bessie Smith, surtout l'impératrice du blues, le modèle de Janice. Une nuit parmi tant d'autres, elle est en voiture avec ses amis. Ils écoutent un air d'Odetta qu'ils fredonnent en chœur. Soudain, Janice se met à chanter plus fort que les autres. Et tous se taisent, sidérés par sa voix puissante, bouleversante, qui imite à la perfection celle d'Odetta. On l'imaginait devenir peintre, on la découvre chanteuse. Et c'est vraiment une révélation pour toute la bande, à commencer par Janice elle-même, comme elle le raconte dans cette interview de 1969 donnée à la télévision suédoise. Janice, vous êtes née au Texas ? Oui. Port Arthur, Texas. Tes parents t'ont encouragé à chanter ? Non, ils voulaient que je sois institutrice comme tous les parents. J'ai commencé à chanter quand j'avais 17 ans. D'abord, j'ai écouté beaucoup de musique et puis j'ai chanté. Et je savais chanter, c'était une surprise. Et pas des moindres. À la fin du lycée, Janice s'inscrit à l'université technologique de Beaumont, la ville d'à côté. Elle suit les cours par intermittence et voyage le temps des vacances, découvre enfin New York, puis la Californie. Elle continue de chanter, travaillant sans relâche sa voix qu'elle accompagne à la guitare ou à l'auto-harpe, un instrument typique de la folk music. À l'été 62, elle s'installe à Austin, la capitale du Texas, où souffle un air de bohème. Et peu à peu, elle devient un pilier du ghetto, un quartier où se rassemble la jeunesse rebelle de la ville. Mais le Texas reste le Texas, un état où le port du pantalon pour une femme est interdit. Adulée au ghetto, Janice Joplin est harcelée dans sa nouvelle université, encore et toujours. À la fin de l'année, elle est élue par une confrérie d'étudiants, une bande de demi-cerveaux, l'homme le plus laid du campus. Un traumatisme qui la marque au fer rouge, symbole de toutes les humiliations subies. Quelques semaines plus tard, elle décide d'arrêter ses études et de quitter le Texas, et cette fois pour de bon. Elle a 20 ans, 5 dollars en poche, et la Californie pour horizon. Et puis vous êtes allé à San Francisco. Oui, en 1963 à peu près. J'en avais marre du Texas et je suis allé en Californie. Là-bas, on est libre. On peut faire ce qu'on veut et on ne vous casse pas les pieds. Et vous êtes retourné à Port-Arthur ? Une seule fois, c'est un sale bled. J'irai plus. Un soir de janvier 1963, sur le bas-côté d'une route d'Austin, Janis Joplin lève le pouce. À ses côtés, Chet Helms, un copain du ghetto qui a déjà roulé sa bosse en Californie. Après deux jours de stop, les deux arrivent à San Francisco. Une terre promise, peuplée de marins et de poètes, un îlot de résistance à l'American Wildlife. Janis chante le soir même de son arrivée dans un bar enfumé où elle deviendra inhabituée. Ici ou là, elle enchaîne les performances, payée au chapeau, le plus souvent seule et a cappella. Sa voix rauque, puissante, attire les premières maisons de disques. Mais Janis est ailleurs, perdue déjà dans les paradis artificiels. Elle vit alors dans un sous-sol sordide de la ville où elle teste puissance 1000, sexe, drogue et alcool. Après les amphétamines, elle découvre l'héroïne avec son nouveau copain, Peter DeBlanc. En 1965, après un an et demi de vie en Californie, elle n'a plus que la peau sur les os, 40 kilos pour 1m68, et sombre dans la dépression. Inquiet, ses amis organisent alors une quête pour la mettre dans un autocar, direction Port-Arthur, Texas. Premier et dernier retour dans ce sale bled qu'elle évoquait en 1969. Auprès de sa famille, Janis amorce un changement radical. Sevrage, reprise des études et même projet de mariage avec Peter DeBlanc, qui la rejoint quelques semaines plus tard à Port-Arthur, le temps de demander officiellement sa main à son père. Et à peine a-t-il posé le genou à terre qu'il disparaît de la circulation. Pour surmonter son chagrin, Janis, sobre désormais, revient progressivement au chant. Et le 5 mai 1966, elle donne son premier concert professionnel à Austin. C'est une évidence, il n'y a que sur scène où elle est elle-même. Un mois plus tard, elle repart à San Francisco sans prévenir ses parents, si ce n'est par courrier. Une lettre dévoilée dans le documentaire Janis, Little Girl Blue, réalisé par Amy Berg en 2016. Maman, papa, c'est avec la boule au ventre que je vous annonce que je suis à San Francisco. Je vous explique. Chet Helms, un vieil ami, est devenu quelqu'un à San Francisco. Il m'a incité à venir en disant que la ville était devenue rock'n'roll. C'est vrai. Il m'a promis célébrité et fortune. Alors je suis venue. Je suis désolée. Dites à Mike et Laura que je les aime. Je vous aime, Janis. Le 4 juin 1966, Janis rencontre le Big Brother and the Holding Company, un groupe d'Europe psychédélique qui cherche une chanteuse. Le courant passe bien, les concerts s'enchaînent et les excès reprennent. Fin 66, la formation enregistre un premier disque qui porte tout simplement comme titre le nom du groupe. La carrière de Janis Joplin est lancée. Elle explosera un an plus tard, en 1967, sur la scène du Monterey Pop Festival. Some came along, honey grabbed a hold of me. and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. Darling, I said, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah. And I said, oh, oh, oh, oh, baby, oh, this can't be. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, in vain. Darling, no, no, I said, no, no, no, yeah. I know what somebody could tell me. But tell me what love, oh honey, what love is like. Well, it's like a ball and in a chair. Aujourd'hui, Janis Joplin, France Inter. Affaires sensibles. Deux ans à Woodstock, le Monterey Pop est le premier grand festival rock de l'histoire et l'acte de naissance du Flower Power. Du 16 au 18 juin 1967, l'année magique. 50 000 personnes se réunissent près de cette localité au sud de San Francisco sous le slogan « Music, Love and Flowers ». Plus de 30 groupes sont programmés. Qui racontent à eux seuls les années 60. Jimi Hendrix, Otis Redding, Simon & Garfunkel, Jefferson Airplane, Grateful Dead et bien sûr, Janis Joplin et ses Big Brothers, encore largement inconnus. Conscient du moment historique qui s'annonce, le cinéaste Don Alan Pennebaker débarque caméra au point. Pourtant, il s'en a fallu peu pour que nous ne gardions aucun témoignage de la prestation exceptionnelle de Janis, comme en témoigne Pennebaker lui-même dans le livre de Jeanne-Martine Vachet. Sa première prestation avec Big Brother eut lieu le samedi après-midi. Mais nous n'avions pas eu le droit de la filmer, car leur nouveau manager s'y était catégoriquement opposé. Janis chanta magnifiquement. On avait la sensation d'un terrible gâchis, mais porté par la volonté forcenée de Janis d'être filmé, nous sommes parvenus à un accord. Il fut décidé que Janis et Big Brother se produiraient à nouveau le lendemain. Le 18 juin 1967, Pennebaker filme ainsi la naissance d'une légende. Tandis que résonnent les premiers accords de Ball and Chain, reprise de la chanteuse afro-américaine Big Mama Thornton, Janis est là, au cœur du Big Brother, dans une tenue lamée qui lui colle au corps, parée de perles, les cheveux défaits, tapant du pied comme une danseuse de flamenco. Sa voix se perd dans les cris de plaisir, 8 minutes de blues brûlant, et l'Amérique découvre Janis Joplin. Au lendemain du Monterey Festival, elle est consacrée par le journal Rolling Stone comme la voix féminine majeure de sa génération. En l'espace d'une nuit, elle devient, à 24 ans, une star, un objet rare dans l'univers très masculin du rock. Concrètement, cela se traduit par la signature d'un contrat avec la maison de disques Columbia Records et par un changement de manager. Janis et le Big Brother sont désormais représentés par Albert Grossman, le manager de Bob Dylan. En attendant d'enregistrer un deuxième album, le groupe part à la conquête de New York. Janis subjugue ce nouvel auditoire, à commencer par le critique du Times, qui publie sa photo en couverture sous le titre « Une étoile est née ». L'album Cheap Thrills sort quelques mois plus tard, en septembre 68. Illustré par Robert Crumb, dessinateur vedette de la BD Underground des années 60 et 70, ce nouvel opus renferme quelques chefs-d'œuvre, dont « Summertime », reprise déchirante du classique de Gershwin. En un mois, Cheap Thrills se vend comme des petits pains et signe un tournant dans la vie de Janis. Comme le raconte le biographe Jean-Yves Rezeau sur France Culture en 2016. Parce que là, le succès, il va être immédiat. Même si le groupe n'est pas très bon en studio, le disque va se vendre immédiatement à 1 million d'exemplaires. Elle va devenir célèbre du jour au lendemain. Il y a déjà eu le festival avant de Monterey, mais tout d'un coup, là, le succès, il se mesure après en quantité de disques vendus. Et là, ça va être énorme. Tous les Américains qui suivent un peu l'actualité musicale vont connaître Janis Joplin du jour au lendemain. Et là, elle va vraiment rentrer dans la peau de la chanteuse. Et là, elle va avoir conscience de ses capacités. Elle va jamais douter d'elle en tant que chanteuse, en tout cas, c'est sûr. De l'ombre à la lumière, l'ex-petite fille harcelée du Texas trouve auprès de son public l'amour et la reconnaissance qu'elle cherchait. Grâce au succès de son deuxième album, elle s'offre une Porsche décapotable qu'elle décore de motifs psychédéliques. Cette voiture, comme sa bouteille de whisky, devient son emblème. Janis partage désormais sa vie entre le mythique Chelsea Hotel de New York et 8 Ashbury, l'épicentre des mouvements hippies à San Francisco. Ses amis de l'époque admirent son humour, une certaine innocence aussi, sorte de femme-enfant idéale qui agrémente chacune de ses apparitions par un retentissant motherfucker. Car Janis, c'est aussi une attitude du cran et de la hargne, façon Jim Morrison, mort à 27 ans, comme elle. Et même si elle ne s'intéresse pas à la politique, alors que partout on manifeste contre la guerre du Vietnam, elle passe pour une redoutable contestataire et une injure à la ménagère américaine des années 60. Le secret, dit-elle, c'est la liberté, c'est-à-dire pas de soutien-gorge et pas de gaine. Pour le reste, elle ne lésine pas. Avec son manteau de fourrure, ses chapeaux bariolés, ses lunettes rondes, ses plumes et ses bois, elle devient la meilleure ambassadrice des vestiaires. Oui, du vestiaire, flower power, jusqu'à tomber dans la caricature, selon Dave Jenst, batteur du Big Brother, qui témoigne dans le documentaire « Janis, Little Girl Blue ». Elle s'est mise à perdre son naturel. Elle est peu à peu devenue ce que les gens attendaient d'elle. Elle est devenue une caricature d'elle-même et jouait son rôle pour la galerie. Vous comprenez? Et je pense qu'elle en souffrait. Prends ce cœur solitaire d'une fille solitaire. Je vise trop haut, chérie. Je vais forcément me brûler les ailes. La majorité de ce qu'elle a écrit est avant tout autobiographique. Je me dis que « Je vise trop haut, chérie », c'était très juste. C'est ce qu'elle a fait en quittant Big Brother. Depuis quelque temps déjà, Janis pense à se séparer du Big Brother. À la fin de l'année 68, le divorce est acté sur fond de tension et de jalousie. La chanteuse fonde alors son propre groupe, le Cosmic Blues Band, un puzzle hétéroclite où les cuivres dominent. De cette expérience, il reste un disque, sorti en septembre 69, et quelques enregistrements live, mais boudés par la critique. Janis est dévastée et retombe dans ses vieux démons. Elle multiplie les liaisons masculines ou féminines, et ne passe plus une journée sans consommer de l'alcool ou de l'héroïne. Il n'est pas rare, dans ces conditions, de la voir débarquer sur scène dans un état second. Comme en ce 17 août 69, au festival de Woodstock. Au milieu du Cosmic Blues Band, elle apparaît le visage bouffi, tenant à peine debout. Son manager, Albert Rossman, s'opposera d'ailleurs à ce que sa prestation figure dans le film de Michael Wadley, dédié au festival. Il faudra attendre le Director's Cut de 1994 pour entendre une voix et une vie qui se brisent. Du Cosmic Blues Band est vite tournée. Début 70, Janis se sépare de son deuxième groupe et part se reposer au Brésil avec Linda Gravenites, l'une de ses plus proches amies. Elle laisse derrière elle son kit de toxico, bien décidée cette fois à se sauver. Là-bas, sur une plage, elle rencontre David Niehaus, un touriste américain, genre bourbrun, aventurier, dont elle tombe très amoureuse. Deux mois plus tard, tous les deux rentrent ensemble en Californie et projettent même de se marier. Mais sitôt rentrée, Janice retombe dans l'héroïne et dans les bras de son amante Peggy Caserta, toxicomane elle aussi. C'en est trop pour David, qui reprend la route le cœur brisé, désespéré de ne pouvoir l'aider. Janice perd un homme et retrouve un groupe. En avril 70, elle fonde le Full Tilt Boogie Band, un groupe solide, dit-elle, avec un son si dense qu'elle peut enfin explorer toutes ses capacités vocales. Ils partent rapidement en tournée ensemble, notamment au Festival Express, un voyage musical dans un train canadien où se retrouve une joyeuse bande de rockers. À la fin de ce périple, à l'été 70, Janice retourne une dernière fois à Port Arthur, au Texas, pour participer à la réunion des anciens de son lycée. Comme un retour sur les lieux du crime. 10 ans auparavant, en effet, il lui crachait dessus dans les couloirs. Aujourd'hui, elle revient en star, internationale, à la fois provocante et vulnérable. Interrogée par les journalistes présents, Janice, les cheveux couverts de plumes, est à la fois objet de fascination et bête de foire. Quels souvenirs gardez-vous de Port Arthur ? Sans commentaire. Étiez-vous très différente de vos camarades ? Demandez-leur plutôt. Ce sont eux qui vous ont rendu différente ? Non. Étiez-vous différente au départ ? Je me sentais à part. Alliez-vous au match de foot ? Je ne me souviens pas. Je pense pas. Je suis pas allée au bal du lycée. Vous étiez invitée ? Non. Je pense qu'ils voulaient pas que je vienne. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Ça donne envie de chanter le blues. 2 semaines après son retour, Janice Joplin s'installe à Los Angeles, chambre 105 du Landmark Hotel, à quelques rues du studio Sunset Sound. En septembre 70, elle commence ici l'enregistrement de son 4e album, Pearl, accompagné du Full Tilt Boogie Band. Aux manettes, le producteur star Paul Rothschild, qui a dirigé les albums des Doors. Il sera le premier producteur capable de déceler chez Janice les aspects encore inexplorés de sa voix. Il qualifiera plus tard l'album Pearl de travail d'amour total. Un amour que Janice vit également dans son intimité. Depuis quelques mois, elle est en couple avec un certain Seth Morgan, fils de bonne famille, diplômé de Berkeley, mais plus trouble qu'il n'y paraît. Après la mort de la chanteuse, il sera incarcéré pour attaque à main armée et trafic de cocaïne. Mais pour l'heure, le couple s'aime. Et Janice projette pour la 3e fois de se marier. Elle semble enfin comblée, s'éloigne de l'héroïne, mais jamais bien loin de sa bouteille de tequila. 1 litre par jour, tout de même. Le 18 septembre 1970, elle apprend la mort brutale de Jimi Hendrix, qui enflamma avec elle la scène du Monterey Pop Festival. Auprès d'une amie, elle se rassure. Ce qui est plutôt bien, dit-elle, c'est que ça diminue les risques. Tu comprends, 2 stars du rock ne peuvent décemment disparaître la même année. Quelques jours plus tard, le 1er octobre 1970, elle rédige un nouveau testament dans lequel elle lègue tous ses biens à sa famille. Certains y verront la preuve d'un suicide prémédité. Ou sait-elle déjà trop bien qu'on ne fait pas de vieux os chez les rockstars ? Depuis peu, Janice a ressorti sa seringue, sa cuillère souillée, son pochon d'héroïne. 3 jours plus tard, le 4 octobre 1970, elle succombe à une overdose, seule dans la nuit, buried alive in the blues. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Janice Joplin, notre invitée, Jeanne-Martine Vacher. Bonjour. Bonjour. Journaliste, autrice, ancienne productrice à France Culture, et en 1998, vous avez publié Sur la route de Janice Joplin, réédité en 2010, puis en 2019 aux éditions Le Mot et le Reste. Alors c'est un livre référence, hein, qui est bien plus qu'une biographie. C'est un roadbook, un livre d'enquête sur les traces de Janice aux États-Unis, du Texas jusqu'à Hollywood, Port Arthur jusqu'à la chambre 105 du Landmark Hotel. Qu'est-ce qui vous fascine et vous passionne chez elle au point d'en écrire un livre aussi fouillé ? Écoutez, c'est une voix qui m'habite depuis l'adolescence. Comme beaucoup de femmes de ma génération, quand j'ai écrit ce livre, je me suis baladée sur tous les lieux qui étaient les siens. Et un jour, je cherchais une maison où elle avait habité, à Lagunitas, dans le Marin County. Et là, je ne trouvais pas cette maison. J'errais et je tombe sur une femme qui me dit « Vous cherchez quelque chose ?» Je lui dis « Oui, je cherche la maison de Janis Joplin. » Et elle me dit « Ah, moi, je l'ai vue sur scène. J'avais 15 ans. » Et ça a changé ma vie parce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir ma liberté incarnée. Et je crois que cette femme-là, dans cette phrase, a dit ce que beaucoup auraient pu dire, c'est-à-dire la liberté à la fois du corps, cette espèce de façon incroyable de ne correspondre à aucun stéréotype et d'oser bouger comme elle bougeait, cette liberté de la voix, parce que je voudrais souligner aussi ce génie de la chanteuse qu'on vient d'entendre, que vous avez passé dans ce morceau très très bien choisi de Bonnenschein, où elle fait tout ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire en une minute, on l'entend qui murmure, qui fait de la mélodie, qui gémit, qui crie, et on pourrait dire qui rit, pas dans ce texte, pas dans ce chant-là, mais dans d'autres. Elle est capable de musicaliser son rire et de faire à la fois cette impression d'être totalement sous emprise de ses émotions, ce qu'elle était, et en même temps, il faut savoir qu'elle travaillait tout. Ce fameux rire, ce cackle qui signe Janis, sa sœur me racontait qu'elle l'avait vu le travailler, alors que quand on l'entend, on a l'impression que c'est une espèce de jaillissement ironique fou. Donc voilà, c'est tout ça, Janis, c'est à la fois une histoire individuelle qui croise la grande histoire, comme les grands du rock, comme Jimi Hendrix, hein, qui va incarner, lui, le premier noir célèbre au-delà du monde noir, dans le groupe blanc qui l'écoute, les jeunes adolescents blancs. Mais Janis, c'est pareil. C'est pareil par rapport aux femmes. Et je crois que c'est la chose qui est la plus forte et la plus fascinante. Il y a une autre dimension d'elle que vous n'avez pas évoquée, vous ne pouviez pas le faire. Vous avez déjà dit énormément de choses en un temps trop court. Merci d'avoir remarqué. Mais je l'ai dit, bien sûr, et c'était tout à fait vraiment, je connais bien son histoire et vous l'avez merveilleusement bien résumé. Il y a une dimension que je voudrais donner qui est son humour. Et moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'est que la première fois que, quand je suis allée rencontrer tous ses amis, la première chose dont il me parlait, c'était son humour. Son humour et son goût frénétique de l'existence et de la jouissance qui avait fait que cette mort était d'autant plus insupportable. C'est comme si cette mort était une sorte de défi et de pied de nez à la vie qu'elle incarnait, en fait. Alors, Jeanne-Martine Vachet, justement, vous avez parlé de son rire. Nous l'avons, son rire. Ah, ben, merveilleux. On l'écoute ? Allez. Do you have any explanation why you're so popular? Je vais essayer de pas rire juste après, parce que je ne veux pas rire sur le rire de Janis, hein, ce sera pas... Bien, vous touchez une corde sensible en nous parlant du fait qu'elle est une femme, dans un milieu qui est quand même majoritairement masculin. Vous touchez une corde sensible pour affaires sensibles, parce qu'on aime bien les combats de femmes, on les soutient en plus. Et donc c'est une dimension importante pour vous. Alors, ce qui est intéressant, il y a la grande, elle a été guillotinée aux lames de Gouges, ça nous emmène très très loin de Janis, mais elle a dit une chose, c'est une des premières féministes, elle a dit une chose formidable, elle a dit « Je suis une femme qui n'a que des paradoxes à offrir ». Et je crois que Janis est une femme qui n'avait que des paradoxes à nous offrir. C'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, vous racontez très bien sa révolte contre son milieu d'origine à Port Arthur, tout ça, elle pouvait dire des choses abominables sur Port Arthur, ses parents dans les interviews, et puis l'heure d'après, elle les appelait pour leur dire qu'elle les aimait, que tout ce qu'elle avait dit, au fond, c'était pas... voilà. Il y a toutes les lettres qu'elle envoie à sa sœur, qu'on peut lire, d'ailleurs, parce que sa sœur, Laura, a publié un livre avec ses lettres, où on voit qu'elle est cette espèce de double face, c'est-à-dire qu'elle est à la fois la provocation, et puis elle est en même temps quelqu'un de très conformiste. Ce qu'on retrouve dans ce que vous avez raconté de son moment où elle décide de retourner à Port Arthur, de se fiancer, de devenir une fille tout à fait normale, entre guillemets. Et oui, le mariage, hein, trois projets quand même. Absolument. Et Janis, moi, ce qui me passionne, c'est cette double face. À titre personnel, si elle n'était que dans cette espèce de frénésie qu'elle nous montre, comme ça, je trouvais ça beaucoup moins intéressant que cette espèce de dilemme qui est, au fond, le dilemme de beaucoup de gens qui sont à la fois dans la révolte, en même temps dans l'envie d'être reconnue, ce qui était pour elle extrêmement important. Et donc, elle était toujours dans cette espèce d'équilibre et de déséquilibre, en fait. France Inter. Affaires sensibles. Jeanne-Martine Bachelet, votre biographie de Janis Joplin brosse également le portrait d'une époque, hein, celle de l'Amérique des années 50 et 60, féminisme, mouvement gay, hippie, lutte contre les droits civiques. Pour les droits civiques, j'imagine que c'était certainement une période tellement exaltante, avec ses côtés noirs. Aussi, comment vous avez abordé cet aspect historique et sociologique de cette année 1967, qu'on a appelé aussi l'année de l'amour et du flower power? Écoutez, moi j'ai tout de suite pensé qu'on ne pouvait pas simplement faire une biographie de Janis de l'intime, qu'il fallait aussi retourner vers l'histoire, parce qu'elle est vraiment le produit d'un moment très particulier où notre monde a basculé, justement du fait des mouvements féministes, qui à mon avis est peut-être le seul mouvement révolutionnaire qui a réussi, pas tout à fait complètement, mais enfin quand même beaucoup, ça a beaucoup changé. Et il faut penser que Janis, elle est née en 43. Donc en fait, elle a grandi, non pas du tout dans les années 60, mais dans les années 50. Ah oui. Et vous le disiez, dans un lieu profondément réactionnaire qui était le Texas à l'époque, où en plus, je crois que ce qui a forgé sa révolte, c'est cette conscience soudain, c'est-à-dire qu'elle a été élevée par des parents baptistes, des gens qui étaient très généreux, qui lui parlaient de l'amour, du don, de l'amour de l'autre. Et puis quand elle sortait de chez elle, elle voyait quoi ? La ségrégation, la violence, les meurtres, du coup, dans la réalité, hein, parce que c'était comme ça le Texas dans les années 50. Et du coup, il y avait une espèce de fracture absolument incroyable entre ce qu'on lui disait et ce qu'elle voyait. Et je crois que ça, ça a été extrêmement déterminant. Années 50 aussi, il faut bien se rappeler qui était la période de la peur de la bombe atomique, qui était la Corée, qui était donc une période très très très violente, alors qu'on a dans l'idée souvent Doris Day, les films américains et tout ça. C'est pas ça les années 50. Et donc les années 60, quand elle va les vivre dans cette période dorée qui a duré très très peu de temps, entre 66, 67, 68, où là tout d'un coup, véritablement, dans un toute petite enclave San Francisco, on a l'impression qu'on invente enfin le monde meilleur. Voilà, Haight-Ashbury, dans ce quartier qui maintenant est devenu très bobo, mais qui à l'époque était vraiment hippie, mais pauvre, hein, dans lequel vivait tout le monde, très coloré en même temps. Tout d'un coup, il y a une enclave, là, il y a un rêve dont on se dit qu'il va enfin devenir réalité, mais ça dure très peu de temps, entre autres parce que les dealers arrivent, la drogue arrive. Et oui, et d'ailleurs, George Harrison avait visité Haight-Ashbury. Ouais. Il était revenu très inquiet pour tous ces jeunes. Il y avait des overdoses, c'était terrible. Tiens, pour la petite histoire, parce que c'est sympathique, j'ai ouï dire, vous me direz si c'est vrai, que trois jours avant sa mort, Janis a enregistré une chanson pour John Lennon, une chanson pour son anniversaire, car elle était comme tout le monde, fan des Beatles. Alors le jour où Paul McCartney a vu l'avoir chanté, elle n'en revenait pas. Elle disait à tout le monde, vous rendez compte, Paul est venu, dingue. Elle a confié aussi quand même que son Beatle préféré était George Harrison. C'est vrai, mais elle était très, vous savez, c'est vrai, ça, on a l'enregistrement hein, où elle chante. Il est sur un coffret, un gros coffret, qui est un très beau coffret, je ne sais pas si on le trouve encore, où on a ce petit bout d'enregistrement où elle chante Happy Birthday pour John Lennon. Mais elle était très étonnante parce qu'elle était extrêmement admirative des autres. Et il n'était pas du tout rare de la voir, bon, à San Francisco, on allait au Fillmore East écouter les concerts, tout le monde y allait, les stars, les pas stars et tout ça. Et elle était très souvent, j'ai eu plein de témoignages, au milieu de tout le monde, dans la foule, en train d'aller écouter, par exemple, son immense, immense, immense amour musical, qui était Otis Redding, qui était son modèle, qui malheureusement est mort avant qu'elle n'ait pu le rencontrer, dans un accident d'avion. Et donc, il y avait cette espèce d'époque où, effectivement, à la fois, il y avait les stars, parce que ça existait quand même, hein, Woodstock, on a affaire à des stars, mais en même temps, ce mélange étrange, parce que c'est vraiment, c'est encore ça, cet espoir d'un monde où les choses ne vont pas se passer exactement de la même façon. D'après vous, en quoi Janis Joplin est une, parce qu'on a parlé musique aussi, est une artiste majeure de la musique? Alors, moi, je pense qu'elle est une artiste majeure de la voix. Parce que musicalement, ses premiers musiciens, Big Brother, étaient des hommes extraordinaires. Moi, je les ai rencontrés. On comprend pourquoi elle les aimait tant. Quand j'ai pu les rencontrer, j'ai compris pourquoi elle était si bien avec eux. Mais en même temps, c'était pas des très bons musiciens. Ils avaient l'énergie dont elle avait besoin. Le deuxième groupe était très moyen, un peu composite. Ce qui a été un très bon groupe, c'est le dernier, Full Tilt Boogie. Je suis en train de me tromper de nom, mais ça fait rien. Ça me reviendra. Le dernier groupe, donc. Je vous ai dit, attendez. Allez-y, je vais retrouver. Voilà, vous allez me retrouver. J'espère. Et donc, ce groupe-là était musicalement parfait. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps, à part dans son dernier disque dans Pearl, de travailler avec eux suffisamment. Et ça, c'est grâce à Paul Rothschild qui a commencé à vouloir lui donner une structure musicale. C'est le Full Tilt Boogie Band. Voilà, Full Tilt Boogie, c'est ce que j'avais dit en premier. Puis après, j'ai douté de moi-même. Voilà. Bien, alors, est-ce qu'elle a eu des héritières et des héritiers, je veux dire, qui peut se réclamer artistiquement, je le dis bien, de son influence? Sincèrement, je pense que c'est pas possible. Comme qu'il y a des êtres qui sont des comètes solitaires. Hendrix est une comète solitaire. Janis est une comète solitaire. Kathleen Ferrier, en chant classique, est une comète solitaire. Callas, d'une certaine façon. Ce sont des gens qui ne sont pas des perfections, mais qui sont des talents absolument singuliers. Quand je dis qu'ils ne sont pas des perfections, Callas avait plein de défauts en technique de chant, mais c'était Callas. Et ça, personne ne pourra remplacer cette incarnation qu'elle était. Et je pense que Janis, c'est pareil. C'est pas nostalgique ce que je dis, parce qu'on aimait beaucoup d'autres très très forts aussi. Hein. Oui. Mais Nina Simone, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas deux Nina Simone, il n'y a pas d'héritier, mais c'est très bien. Ça laisse la place à d'autres façons de chanter, d'exister, de partager, de transmettre. Quelles sont les découvertes ou rencontres qui vous ont le plus marqué dans votre approche de Janis Joplin, puisque vous me dites que vous avez rencontré pas mal de musiciens, oui, notamment. Oui, alors écoutez, moi c'était des rencontres qui étaient étonnantes, parce que je voulais passer beaucoup de temps avec les gens, donc j'ai passé des heures, parfois de jour, avec ses copains ados, d'adolescence au Texas. J'ai rencontré sa sœur très très longuement, qui avait un rapport très complexe à Janis, parce que être la cadette de Janis, c'était pas simple. Hériter d'elle, c'était très compliqué. Être la gestionnaire de une mémoire, c'est pas simple non plus. Donc, mais sa sœur, c'était très fort. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée chez sa sœur, elle habitait à Detroit. Et quand je suis à Denver, pardon, et quand je suis arrivée chez elle la première fois, on s'est assise sur le canapé dans une maison typiquement américaine. Puis elle m'a dit, attendez, je reviens. Elle est arrivée, elle avait un carton à chaussures. Elle a ouvert le carton à chaussures, et dans le carton à chaussures, il y avait des grosses lunettes rondes, sans verre. Elle les a prises et elle m'a dit, ça, je crois bien que c'était ses lunettes roses. Et il y avait des tas de souvenirs, comme ça, on dirait mémorabilia en anglais, de Janis, mais qui étaient des souvenirs anodins, des choses cassées, tout ça. Et peut-être que c'est ça mon souvenir le plus fort, c'est-à-dire qu'elle était là complètement, dans ces petites choses de la vie qui avaient été sur son visage, qu'elle avait porté. Moi, je ne suis pas fétichiste du tout. Hein. Il y a des gens qui ont voulu me vendre des autographes. J'avais passé une annonce à San Francisco en disant que je cherchais tout ce qui concernait Janis Joplin dans le San Francisco Chronicle. Donc, j'ai eu des tas de gens qui sont arrivés voulant me vendre des autographes, des trucs, des bidons. Enfin, bon, bref, j'ai rien acheté, si ce n'est parler avec eux, parce qu'ils m'ont raconté des tas de choses. Ouais. Donc, je ne suis pas fétichiste. Mais ce petit carton à chaussures, avec ses lunettes et un livre, parce qu'il faut dire qu'elle lisait beaucoup, c'était une grande amoureuse de la littérature, elle le cachait. Hein. Il faut savoir que dans le rock, on le cachait. Tous les intellos du rock faisaient semblant d'être des brutes, parce que ça n'allait pas avec le genre. Et voilà, c'est ça qui peut-être que je garderai d'elle, parce que c'est un autre côté de Janis qui fait que toute la richesse de ce personnage, et qui, je pense, est dans son chant, dans la douceur de son chant. Parce que là, vous avez passé une mélodie, c'était Vianney, je crois, très douce. Et Janis, on ne lui a pas permis de chanter doucement. Et les quelques mélodies qu'elle chante avec douceur, c'est extraordinaire. Little Girl Blue, écoutez Little Girl Blue. C'est merveilleux. Qu'a chanté aussi Nina Simone, d'ailleurs. Alors, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, John Lennon assassiné, Brian Epstein, le manager des Beatles, mort d'une overdose. La liste n'est pas complète. Non. Pourquoi la légende du rock est-elle si noire? Bah écoutez, je ne sais pas, je m'en attriste terriblement. Je pense que c'est parce qu'il y a tout ce rapport à la drogue dont on pourrait parler pendant très très longtemps, qui a été très magnifié aussi, que moi j'ai jamais trouvé du tout séduisant, et qui, à un moment, c'est aussi une question d'époque, de période, hein, c'est-à-dire que ça circule et tout le monde le fait, donc tout le monde le fait. Donc vous voyez, Janis, en fait, sa drogue véritable, c'était l'alcool. Donc voilà, c'est ça, c'est cette vie-là. Mais c'est aussi ce qui fait ce que je disais, c'est-à-dire ce mélange, cette explosion de la vie et de la mort. Ça sera le mot de la fin. Qui nous fascine. Ah, c'est un joli mot de la fin, Jeanne-Marc Lachet. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Janis Joplin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Dorumini. Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux.